Marrakech ou Tanger, la beauté marocaine vient de Meknès. Agadir, Taza ou Fès, beauté marocaine est une princesse. Du nord, sud, est à l'ouest, elle a la taille pour bronzer, type méditerranée. C'est comme ça qu'on les aime, nos beautés marocaines. Beauté marocaine. Oh, beauté marocaine. Beauté marocaine. Tout belle au naturel. Tout belle au naturel. Oh, beauté marocaine. C'est comme ça qu'on les aime, nos beautés marocaines. Et c'est le soleil qui...